la marée des choses, sous la lune l'instinct s'éveille. Et je vois tellement de choses immenses dans la turbulence. Je prends ma chance. Les choses changent, tout se transforme, la terre tourne.